Chapitre 4. C'était beaucoup pour Marthe d'avoir pu envoyer Philippe à Paris, mais ce n'était pas tout, et elle comprenait très bien qu'elle avait seulement gagné du temps. Le danger avait été éloigné, il n'avait pas été supprimé. Quand Philippe reviendrait, il se trouverait de nouveau en présence de saint Ostrobert, et alors celui-ci pourrait mettre ses menaces à exécution tout aussi bien qu'en ce moment même. Ce qu'il fallait, c'était qu'avant ce retour, saint Ostrobert eût abandonné ses prétentions. Mais comment arriver à cela? La tentative qu'elle avait déjà faite auprès de son père la décourageait d'en essayer une nouvelle. Elle le connaissait, il savait qu'il fixitait, il la portait dans ses idées. Pour ne pas employer un autre mot, il avait décidé qu'elle devait apprendre à connaître saint Ostrobert. Il ne se départirait pas de cette ligne. Tout ce qu'elle ferait directement pour toucher son esprit ou son cœur serait parfaitement inutile et la réponse qu'elle obtiendrait serait toujours la même. Tu ne le connais pas. Sache d'abord ce qu'il est avant de le condamner. Cela pouvait durer longtemps ainsi. Qu'elle dit demain que M. de Saint-Ostrobert lui plaisait et son père l'accepterait tout de suite pour gendre, sans plus ample examen. Qu'elle dit au contraire qu'il ne lui plaisait point et on lui répondrait qu'elle ne pouvait pas s'être si vite fixée et qu'elle devait attendre avant de se prononcer définitivement. Et pendant qu'elle attendrait, Philippe, qui bien certainement resterait à Paris le moins de temps qu'il pourrait, reviendrait à Bordeaux et alors le danger qu'elle voulait conjurer éclaterait. La situation était difficile et quoi qu'elle fît, elle arrivait toujours à une impossibilité d'en sortir. Une seule voie s'ouvrait devant elle, c'était de s'adresser à sa belle-mère. Car si celle-ci voulait user de l'influence toute-puissante qu'elle exerçait sur M. Denis, il était à peu près certain qu'elle ferait repousser saint Ostrobert. Mais pour mettre cette influence en jeu, il fallait la demander, et c'était là pour Marthe le sacrifice le plus douloureux qu'elle pût s'imposer. Bien que les relations entre la belle-mère et la belle-fille fussent en apparence affectueuses et même, jusqu'à un certain point, cordiales, elles étaient en réalité difficiles, et il fallait toute l'adresse féminine de l'une et de l'autre pour que des dissentiments sérieux n'éclatassent point chaque jour entre elles. Lorsque le mariage de sa belle-mère s'était fait, Marthe était encore au couvent, à Paris. Un matin, elle avait vu arriver son père, qui, avec une satisfaction toute franche, lui avait annoncé qu'il se mariait. « Tu verras demain celle que j'ai choisie, » lui avait-il dit, « et tout de suite, j'en suis certain, vous vous aimerez, car tu sentiras qu'elle sera pour toi une mère. Au reste, elle m'a bien promis de l'être. » Marthe avait été stupéfaite de cette nouvelle, puis bientôt, par la réflexion, désolée. Elle n'avait jamais pensé que son père pouvait se remarier. Pourquoi se remarier? Ne l'aimait-elle pas tendrement? Il ne l'aimait donc plus comme au temps où elle était enfant. Elle n'était donc plus tout pour lui. Le lendemain, l'impression qu'elle avait reçue en voyant celle qu'on voulait lui donner pour mère avait aggravé encore sa répulsion. Et ni la bonne grâce de sa future belle-mère, ni ses avances, ni ses caresses n'avaient pu la toucher. Instantanément, elle avait senti qu'elle ne pourrait jamais l'aimer. Elle était trop jeune, trop belle. Elle eût été heureuse de l'avoir pour belle-sœur si elle avait eu un frère aîné. Pour belle-mère, elle en avait peur. Ses sentiments n'avaient pas tardé à se manifester ouvertement. « Voulez-vous m'appeler maman ?» lui dit un jour Madame Denis, fatiguée d'entendre Madame, bien sec, répondre à toutes ses questions. « Je ne peux pas, Madame. Vous ne voulez pas que je vous appelle ma fille ? Je le veux, si vous le voulez. Et si je ne le veux pas, j'en serai heureuse. Alors comment dois-je vous appeler ? Marthe est mon nom. Marthe est bien court, et dans l'intimité où nous devons vivre, bien froid. Voulez-vous que je vous appelle, chère fille ? Je ne peux pas être votre fille, mais je ne suis encore qu'une enfant. Pourquoi ne m'appelez-vous pas, cher enfant ? Et vous, cher enfant, moi répondrez, madame, ne suis-je pas votre ami ? Je puis vous appeler Charmy, si vous trouvez cela respectueux. Il ne doit pas être question de respect entre nous. Pour gagner ce cœur de petite fille qui se montrait si froid et si dur, Madame Denis avait cru qu'elle devait commencer par l'amollir. Et Marthe avait été littéralement accablée de cadeaux de toutes sortes, cadeaux de sa belle-mère, cadeaux de son père. Mais ce système avait précisément produit un effet contraire à celui que Madame Denis espérait, car chaque fois que M. Denis avait donné quelque chose à sa fille, il n'avait pas manqué de lui dire que c'était à l'instigation de sa femme, et cela avait exaspéré Marthe. Sans elle, je ne serais donc plus rien pour papa, s'était-elle dit. Autrefois, il n'avait pas besoin qu'on lui suggérât des idées, il pensait bien à moi tout seul. Et alors, elle avait montré la plus vive tendresse pour les cadeaux d'autrefois et la plus parfaite indifférence pour ceux de maintenant. À ces causes de dissentiment s'en étaient jointes bientôt d'autres, plus graves, qui avaient pris naissance dans la rivalité des deux femmes. Jamais elles ne s'étaient franchement expliquées à propos de cette rivalité, mais leurs yeux avaient parlé. « C'est mon mari, » disait Madame de Nice. « C'est mon père, » disait Marthe. Dans ces conditions, on comprend qu'il devait être pénible à Marthe de s'adresser à sa belle-mère pour lui demander son secours. Cependant, elle se résigna à ce sacrifice. Elle n'était pas en situation de choisir entre ce qui lui était agréable ou désagréable, facile ou pénible. Elle ne devait avoir qu'une pensée, protéger Philippe. Lorsque son père et saint Ostrobert furent repartis pour Bordeaux, elle entra chez sa belle-mère, et tout de suite, sans hésitation comme sans détour, elle aborda résolument son sujet. « Je viens vous demander un service, » dit-elle, « le plus grand service que vous puissiez me rendre. Vous savez, cher enfant, que j'ai toujours été entièrement à vous, et si vous n'avez pas usé plus souvent de moi, c'est que vous n'avez pas voulu. J'aurais été heureuse de vous témoigner mes sentiments d'une façon active. Vous n'avez jamais voulu voir en moi qu'une belle-mère. Je vous donne ma parole que vous auriez pu y trouver une amie, une sœur, et permettez-moi le mot, Marthe, une mère. » Cela fut dit avec une sincérité qui toucha Marthe, et s'il y avait des reproches dans ses paroles, ils avaient quelque chose d'attendri et d'attristé, qu'il ne pouvait pas blesser. « C'est à ces sentiments que je viens faire appel, » dit Marthe, « en vous priant de les employer à me sauver. »« Vous sauver ? Vous savez que mon père veut me donner à monsieur de Saint-Ostrobert. Usez de l'influence que vous avez sur lui pour le faire renoncer à ce mariage, qui ferait mon malheur. Je n'aime pas, je ne peux aimer monsieur de Saint-Ostrobert, qui me fait horreur. »« Horreur ? J'aimerais mieux mourir que d'être sa femme. » Madame de Nice la regarda longuement, puis, après cet examen, que Marthe soutint sans baisser les yeux, elle posa la tapisserie à laquelle elle travaillait. « Je veux vous parler en toute franchise, » dit-elle, « et vous faire connaître ce que je sais de ce mariage. Il y a quelques semaines, M. de Saint-Ostrobert me parlait de ses projets et m'a demandé de les appuyer auprès de votre père. Je lui ai répondu que je ne pouvais prendre aucune part dans la détermination de mon mari, ni dans la vôtre, entendu que je n'étais pas votre mère et que d'ailleurs, mon sentiment était qu'une jeune fille ne devait obéir qu'aux inspirations de son cœur. Cela est bien vrai, et c'est un grand malheur que mon père ne pense pas comme vous. Quelque temps après, votre père, ayant reçu la demande de M. de Saint-Ostrobert, est venu me la communiquer en me demandant si je lui conseillais de l'accueillir. Je lui ai répondu que ce n'était pas à moi de me prononcer dans une question si grave, mais à vous, et j'ai refusé absolument d'intervenir dans ce mariage. Telle a été ma conduite. Votre père et M. de Saint-Ostrobert pourraient vous le dire. Oh, je vous crois. Maintenant, c'est vous qui vous adressez à moi, et je vous assure que vous me mettez dans un grand embarras. Rien n'est plus gênant, n'est plus pénible, que d'être ainsi sollicité de tous côtés, et je ne peux pas accepter le rôle qu'on veut me faire prendre d'arbitre de la famille. Je ne vous demande pas d'être arbitre entre nous, je vous demande d'employer l'influence que vous avez sur mon père pour le détourner du mariage. Mon influence. Tout le monde parle de cette influence, comme si j'étais le chef de la famille. Mais cette influence n'est pas ce que vous pouvez croire. Et si vous avez vu quelquefois votre père se rendre à mes conseils, c'est que ses conseils étaient alors conformes à ses secrets désirs. Or, dans ce moment, le désir de votre père est de vous donner M. de Saint-Ostrobert pour mari. D'abord, parce que dans ce mariage, il trouve pour vous des avantages de position. Ensuite, parce qu'il trouve pour lui des avantages politiques. Si vous épousez M. de Saint-Ostrobert, votre père sera député et il désire être député. Alors je suis perdu. Je ne dis pas cela, mais seulement que l'influence que vous me supposez pourrait bien être pas assez grande pour changer les idées de votre père. En tout cas, je ne crois pas que votre père veuille contrarier votre volonté. Et si vous prononcez bien formellement contre M. de Saint-Ostrobert, je ne crois pas que M. de Nice vous l'impose. Attendez. Et quand vous pourrez parler de M. de Saint-Ostrobert en toute connaissance, faites-le franchement. Votre père vous écoutera, au moins je l'espère. Attendre, mais c'est précisément ce que je ne veux pas. Et pourquoi donc ? Quelques semaines plus tôt, Madame de Nice n'eut pas parlé ainsi à Marthe. Et si celle-ci lui avait demandé de l'aider à faire repousser Saint-Ostrobert, elle lui promit son concours. Mais le temps avait marché. Si d'instinct elle avait commencé par être opposée à ce mariage, elle avait peu à peu passé à d'autres sentiments. Avait-elle à craindre Saint-Ostrobert ? Elle ne le savait pas d'une façon précise, mais dans le doute, Elle trouvait qu'il était inutile de provoquer son hostilité. D'un autre côté, en voyant son mari porté à faire ce mariage, elle avait été presque heureuse de cette disposition, qui lui permettait de ne pas intervenir directement et de laisser aller les choses telles qu'elles se présentaient. Puis peu à peu, elle s'était habituée à cette idée. Elle en avait vu les avantages et elle en était restée à désirer qu'elle se réalisât. Paris, avec sa liberté et ses plaisirs, avait exercé sur elle sa toute-puissante attraction. Enfin, une autre raison encore avait pesé sur sa conscience, la jalousie. Que M. de Mériol aimât Marthe, cela lui avait tout d'abord paru impossible, mais cette insinuation jetée dans son cœur par sainte Ostreberthe l'avait peu à peu troublée. Puis, quand M. Daunis lui avait raconté en riant la démarche de Mériol et ce qui selon lui la déterminait, elle avait été prise d'une inquiétude réelle, et elle s'était dit que ce mariage devait se faire et qu'il se ferait. Le mot de Marthe redoubla cette inquiétude. Pourquoi Marthe craignait-elle tant la présence de sainte Ostreberthe? Cette présence blessait donc quelqu'un? Qui?